Urbain, c'est Roy Langa, en direct de Paris. Madame Colonna Monayo, na XL, yo azora rotonga château d'hiver na monte maranga. Mosque oyo na sambera kayo, pokwa iso, otumpeo mapele mokubwa. Bela yo mo trésor caché, na lingi na yeba vérité na yo. Pona zara sir, na poina nyo kwa manzoto, na po mwana. Zala sincère, bate la galokola, fleur de thé, yo amaniye. Na kozonga kure na te papi konga gana yo mama na kozonga kure na te papi konga na kozonga sela tsazola na mama Misha disasi alfa karavae famingo ina parie losako izengola ona kozonga mama ye gai na kozonga na parie na kozonga kore la te papi konga gana yo gana yo mama Oncle Nyo na Paris kamse kamasa Suga Claude Madiango abe Bizuka du maringo na Paris Mwese salek se zola mwana mama Ona kozonga zonga zonga mama Kana kozonga zonga zonga mama tika ngala zemba e na kozonga kore la te papi konga gana yo gana yo mama Oh Ricky Mbemba na Paris Salex Zola et Misha Disasi Alpha Karamba chantez de vous voir Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Allez, Roxy, mets-toi l'indanda. Oh, maître Lélé, chantez de vous voir. Oh, tu sais. Kamasa, Suga, Yenga Yenga Tinder Yopote Pingi, Abe Bizuka, Dumaringo, Huba. À la compagnère Casino Select Zola Petit aidant Toxine à Paris Mongenzo à chanter de vous voir Kams Kamasa Yo.